Alors, on est de retour au Radioton de CKRL de 89.1. Toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Au microphone, Jean-François Artaud. Alors, on a une espèce d'émission spéciale d'accès pouvoir, si on veut. Un tiré à part, qu'on dirait, dans le monde de l'édition. Et j'ai la chance de ne pas être tout seul et d'être accompagné de deux personnes extrêmement importantes. D'abord, de Luc Ferland et de Raymond Côté, que je vais vous présenter brièvement parce que je sais que ce sont des gens qui parlent beaucoup. Alors, je vais en profiter pour les présenter. D'abord, Luc, tu es né, si c'est juste ce que je lis ici, à Petit-Saguenay, le 13 février 1955. Ton père était menuisier, se prénommait Louis, et ta mère se prénommait Isola. Isola. C'est un beau le prénom, le nom d'un Isola. Village italien au sud de l'Italie. Ah, il y a oui? un village qui s'appelle Isola. Imagine-toi. Oui. Alors, tu es titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technique de loisirs du Collège de Rivière-du-Loup. Tu as un certificat d'animation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et tu es aussi étudiant en gestion de projet à l'Université du Québec en Chicoutimi. Tu as travaillé à Chapet, tu as travaillé comme directeur général à Joutel, tu as été directeur général de la Société de gestion environnementale de Dolbeau-Mistassini. Tu t'es aussi occupé des Jeux du Québec dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Tu as travaillé comme attaché politique auprès de Michel Letourneau, qui était député du Bloc, pas du Bloc, mais du Parti québécois, de 2001 à 2004 et de 2005 à 2007. Et ensuite, tu as été toi-même élu député du Parti québécois dans Ongava, en 2007, réélu en 2008 et en 2012, malheureusement défait en 2014, et une tentative infructueuse du côté du Bloc québécois. Tu nous en parleras tantôt. On pourra en parler tout à l'heure, mais oui, mais oui. Quant à toi, Raymond, tu t'appelles Raymond Côté, tu es un homme politique québécois, tu as été député de la circonscription électorale fédérale de Beauport-Limoilou à la Chambre des communes du Canada, et ce de 2011 à 2015. Tu es bachelier en arts de l'Université Laval, et pendant deux ans, tu as été président du comité de parents de la commission scolaire de la capitale au milieu des années 2000, et au niveau municipal, tu as participé au défi Vert de Québec. Eh oui. Alors, on va parler de tout ça. Je veux parler, bien sûr, de la vie après la politique, parce que c'est pas aussi facile que les gens peuvent le croire. Mais avant qu'on arrive après, j'aimerais ça qu'on arrive avant, puis je vais commencer avec Raymond. Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour, un matin, de dire, bon, mais moi, je me lance en politique, je vais aller faire œuvre utile, si on veut, puis je vais représenter mes citoyens. C'est une décision un peu courageuse, ça, quand même. Courageux, je sais pas, peut-être, ou inconsciente. Mais il faut dire que ça vient souvent, justement, de notre passé. Puis je partage avec Luc le fait que mon père était charpentier-menuisier, très politisé. Il avait même sa carte de membre du Parti libéral du Canada. Oh. Puis il a milité des années à la FTQ Construction. Alors, syndicalisme aussi, on se retrouve à brasser de la politique aussi avec ça. Alors, le rituel à la maison, quand j'étais ticu, on écoutait les nouvelles à Radio-Canada, puis on recevait le journal Le Soleil. Fait que quand mon père le lâchait avant le souper, ouais. Ben là, on se précipitait dessus, puis on regardait... Ouais, parce qu'on recevait Le Soleil en fin d'après-midi. Là, oui, exactement, ouais. Exactement. Alors, c'est ça allait de soi que les enjeux de société, les enjeux politiques, j'ai été contaminé, c'est une maladie. Il y en a qui disent une maladie honteuse. J'ai jamais cherché à la soigner. Et il faut dire, par contre, que justement, étant donné qu'on suivait énormément la politique, puis là, rappelez-vous, là, dans ma jeunesse, mon adolescence, c'était l'époque du règne de Pierre-Éliott Trudeau, hein, ouais. Règne sans partage. Et moi, en regardant les débats à la Chambre des communes, ou en tout cas les extraits que les nouvelles nous donnaient, je suis tombé en amour avec Ed Broadbent. Qui okay. était le chef du NPD. Alors là, je me suis dit, waouh, ça, c'est mon homme, ça va être mon parti. Alors, dès que j'ai eu le droit de vote, puis là, j'avais hâte en Moses, hein, mais j'ai commencé à voter NPD. Puis là, ça a amené ma mère, évidemment, qui me demandait, puis mon gars, as-tu gagné tes élections? Je disais, ben non, maman, tu sais pour qui je vote? Là, elle dit, oh, je comprends pas pourquoi tu votes encore pour eux, t'sais. Mais, de but en blanc, en fait, c'est arrivé en 2004, après la première campagne électorale de Jack Layton. Je me suis dit, tant qu'à voter pour le NPD, aussi bien faire plus, j'ai pris ma carte de membre, j'ai commencé à faire un petit don. Puis j'ai participé à une assemblée régionale des quelques militants ici dans la région de Québec. Et j'ai appris que, malheureusement, il n'y avait pas d'association dans Beauport-Limoilou. J'ai eu le malheur de poser la question, c'est-tu bien compliqué partir sur une association? Et on m'a dit, non, puis on va t'aider. Oui, oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a amené à la politique active. Okay. Comme je te racontais hors d'onde avant qu'on embarque, l'organisateur pour le Québec, Nicolas Dominique, m'avait posé la question, as-tu pensé à te présenter en, tu sais, comme candidat? J'ai dit non. Il dit, ça t'intéresse-tu? J'ai dit non. Mais, qu'est-ce que tu veux, ils sont achalants, les organisateurs politiques. Il est revenu à la charge, finalement. J'ai dit, ouais, OK, m'en rendre service. Puis, je vais me présenter, puis ça a été la première fois en 2006. On va revenir à la première campagne électorale, parce qu'évidemment, ça ne joue pas de la même façon au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Ça va être intéressant de voir les différences. Toi, Luc, qu'est-ce qui fait ma foi du bon Dieu que tu as décidé de te présenter en politique? Qu'est-ce qui a fait que je me suis transformé en politicien? Ouais. C'est, Raymond l'a dit tantôt, des fois, c'est des circonstances qui font qu'on fait le saut. Parce que souvent, la distance est très mince entre faire le saut du côté politique et continuer à militer ou à œuvrer dans différents domaines pour... bien sûr, améliorer la qualité de vie ou des choses qu'on trouve qui sont injustes, ces choses-là. Mais ça me vient, je pense, du côté de ma mère, des Fortins. Les Fortins et les Houdes, parce que ma grand-mère maternelle était une Houde et mon grand-père un Fortin, qui était très politisé, impliqué à l'époque d'un petit village. Comme je l'ai dit, je suis originaire du plus beau petit village au Québec et même au monde, Petit Saguenay. Et ces gens-là étaient très politisés, s'impliquaient. Les Houdes étaient maires, le maire du village était M. Joseph Houde. Son garçon, Elias Houde, a été maire. Les deux ensemble, je pense, ils ont été 50 ans maires. Okay? Oui. C'était bon. Et voilà. Donc, ça, le côté politique, oui, ça vient de là, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai fait le saut. J'ai toujours été impliqué. Moi, j'étais un gars de communautaire. C'est-à-dire que impliqué socialement dans ma communauté, surtout dans le monde du loisir et du sport. OK? Ça paraît plus aujourd'hui avec le corps, mais je dis toujours à mes amis, derrière cette enveloppe se cache un corps d'athlète. Oui, d'un athlète, bon, t'es passé voilà, un expert. Mais méfiez-vous des apparences. Alors, j'ai toujours été impliqué dans des organisations, jamais organisé des événements, des activités, des fêtes nationales et ainsi de suite. Et bien entendu, ma carrière professionnelle, vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai été aussi directeur général pendant 5 ans du CRD Beijing. Oui. De 95 à 2000, où j'ai fait le saut avec Michel Letourneau, qui était député à cette époque-là. Mais quand je suis arrivé dans le Nord, à Chapin, en 1980, comme directeur des loisirs, tout de suite, je me suis impliqué, même au niveau régional, parce que souvenez-vous, vous en rappelez, parce que vous en étiez, dans le oui. Grand Nord, la région Nord, la région 10 n'existait pas. Non. OK? Il y avait à peu près le Nunavik relevait du côté de la côte Nord de mémoire vers oui. Cécile, et la baie de James, une partie était avec l'Abitibi-Témiscamingue, et l'autre partie, Chapelle-Chougamau, avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le député, le comté au provincial, c'était quelqu'un qui venait de l'Abitibi, parce que le comté, à ce moment-là, il couvrait toute la baie de James. Okay. Et c'était Jean-Paul Bordelot. Oui. OK? Qui était député à cette époque-là. Mais au même moment, des gens avaient fait la démarche en 1979-80 pour créer le comté d'Ungavan, la circonscription. Et ça, c'était dans la foulée de la convention de la baie de James, et ainsi de suite, oui. Les particularités de la région. Donc, là, je me suis impliqué au niveau régional. On a commencé à organiser. J'ai commencé à travailler pour le plaisir avec mes amis Cree, voisins de Waswanipi, où okay. Djibougoumou n'existait pas à cette époque-là. Le short des noms de la oui, brève, oui. On pourra parler des on les traduira tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait si on arrive plus proche bon, de ton OK, je m'en viens à plus proche, parce que non, on a quand même juste une heure. Oui, c'est ça. Moi, je le connais, il va poser d'autres questions, mais il y en a que je veux pas. Et mais non, c'est pas vrai. Donc, on se rapproche, impliqué au niveau régional. La région 10 est créée en 1987. On se regroupe autour d'une même table qui s'appelait la Conférence des municipalités nordiques. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de budget. Moi, j'étais pour la municipalité de la baie de James. Donc, à ce moment-là, ils ont demandé à la MBJ de libérer quelqu'un. Ils m'ont libéré. OK. Pour que c'était une bonne... quand tu fais libérer, ça veut dire quoi? Ils veulent plus t'avoir, non, c'est ça? T'es moins, ouais. C'est ça, on va voir Luc, pas grave, pas de problème. Donc, j'ai commencé à m'impliquer au niveau régional. Okay. Et ensuite, Michel Letourneau, que je connaissais, en 94, fait le saut. Il était pour la municipalité de la baie de James. On se connaissait depuis ouais. 1980. Michel revient dans la région en 89-90. 94, il fait le saut avec le Parti québécois. OK? Et en 2000... Michel, quand il y a eu la fin 2000, début janvier 2001, il y a un remaniement qui se préparait avec M. Landry. Oui. Où ils ont manqué le Limousine, pas si vous vous rappelez. Oui, je me rappelle. Parce qu'on avait 36 ministres. Le avec plus des gros cabinet de l'histoire. Oui, le plus gros cabinet. Ils ont manqué de tout. Ils disaient, Michel, me prêter mon chambre. Mais donc, Michel m'a approché. Il dit là, qu'il dit, j'aimerais ça que tu t'en viennes pour moi au bureau. Donc, je m'en vais avec Michel. Okay. J'embarque là-dedans. Et en 2006-2005, Michel dit, Luc, je pense pas de me représenter aux prochaines. C'est là que tu si ça t'intéresse, place. Pour moi, t'es ma relève. Okay. OK? Et j'avais réfléchi 5 minutes. N'oubliez pas, quand les gens disent, « Oh non, je suis encore... je suis en réflexion. » Pas vrai, ça? Oui, mais c'est le dernier 5, c'est le dernier 5% qui est dur à décider. Mais souvent, il faut que tu convainques ta conjointe. Et c'est ce bout-là qui manque. OK, bon, on va en parler. Le reste, de c'est ça. Donc, j'ai fait le choix politique en 2007. C'est bon. J'ai été élu député d'Ungava, mais c'est pour faire connaître, surtout, je termine là-dessus. Parce que la région 10, vous savez, le nord du Québec, quand tu arrives au sud à Québec, c'est un peu mythique et les gens connaissent pas ça. Oui. Donc les gens me disaient, ouais, Luc, ouais, c'est vrai, vous autres, c'est pas pareil. Et une fois qu'ils ont dit ça, ils se tournaient et ils repassaient le. Ils retournaient à la vallée du Saint-Laurent. Mais là, vous deux, vous décidez de vous présenter. La première fois qu'on va prendre notre photo pour être sur une affiche électorale, puis qu'on se voit effectivement sur un poteau, là. C'est-tu un choc? Ah, c'est gênant, c'est difficile à assumer, c'est certain, mais tu sais, c'est drôle parce que j'écoutais Pascal Larouche qui parlait de sa timidité quand il était enfant. Moi aussi, j'étais un grand timide. Hein? Je suis sorti de ma coquille en faisant du théâtre au secondaire, puis surtout après ça, en m'impliquant justement dans les associations étudiantes à l'université. Puis là, ben de but en blanc, je me suis impliqué justement dans le milieu scolaire, des conseils d'établissement. Puis d'ailleurs, c'est... Moi j'avais le profil typique de devenir président du comité de parents. J'étais celui qui disait non le moins fort. C'est un peu comme ça. Et c'est un peu le même principe en politique. C'est que là, les gens te regardent aller. Puis moi, quand j'ai pris ma carte de membre, puis j'ai regardé avec d'autres militants à fonder l'association de Beauport-des-Moileau, je me suis dit, ben si je veux que ça marche, je suis aussi bien d'être présent. Ça fait que je me rendais au conseil généraux, au congrès du parti. Puis là, je me suis dit, regarde, j'ai une idée à dire là-dessus, j'allais au micro, puis là, tu te fais remarquer, puis là, tu te fais, écoute, t'as-tu pensé être candidat, tu sais, tout ça. Mais en même temps, on se lance en politique parce que on a une motivation. Oui, mais c'est un peu dans le vide aussi, non? Est-ce qu'on sait exactement ce qui nous attend? Est-ce que... Non, tout à fait. On n'est pas vraiment, on n'est jamais vraiment préparé. Là où j'étais le plus préparé, moi, j'ai eu la chance de faire deux campagnes électorales avant d'être élu. Hein, j'ai perdu 3 fois sur 4. Fait que ça m'a aidé à me préparer. 2011, j'étais prêt, entre guillemets, mais t'es jamais totalement prêt. Parce que la vie politique, c'est une vie où t'es pris en otage par des événements. T'as jamais totalement le contrôle de ta vie. Hein. Mais avant d'arriver au fait d'être élu ou d'être défait, une campagne électorale, au niveau fédéral, par exemple. Est-ce que ça se mène encore comme à l'époque du porte-à-porte, puis on va voir les industries le matin, à l'arrivée des ouvriers, on va dans les centres d'achat, voir le plus de monde possible? Ça doit être gênant, tabarnouche, de faire ça. Bien, au début, oui. Puis quand tu as une bonne organisation, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, ma première campagne, quand ça s'est déclenché au dernier jour de novembre, j'étais tout seul. Oh. J'ai recruté 2 bénévoles durant ma campagne, dont le futur député de Montmorency, Charlevoix-Haute-Côte-Nord. Mais c'est ça, là, j'étais fin seul, puis je posais mes pancartes comme je pouvais. Puis en plus, hein, c'était en plein hiver. Hein, le vote était le 23 janvier, la pire période pour faire une campagne électorale. Les gens, ça fait une campagne en hiver. Qui paie pour faire les pancartes? Les gens ne savent pas ça, mais les candidats eux-mêmes investissent de leur propre argent pour mener une campagne électorale. Il y a ça. Il y a aussi le parti qui fournit des moyens, parce qu'il ne faut pas se le cacher. À l'époque où je me suis présenté, mon prédécesseur dans le binaire Chute de la Chaudière, mes deux premières campagnes, c'était sur la Rive-Sud, d'où je suis originaire. Hein. Dans le binaire Chute de la Chaudière, écoute, Jean Bernatchez avait eu 4,5%. Même pas 4,5%. Oh. Fait que j'avais pas des grandes attentes, mais je me suis dit, ben, on va aller faire du porte-à-porte. Puis, dans le fond... Quand on m'a expliqué qu'est-ce que j'avais à faire, c'est ramasser les 100 signatures, l'acte de candidature, tout ça, et puis qu'on m'a dit, ben c'est le porte-à-porte qui est le meilleur moyen pour trouver le moyen d'avoir de connecter avec les gens, puis d'avoir des appuis. Je me suis dit, ben moi, aller faire du porte-à-porte, ramasser mes signatures avant le début de la campagne. Mais je suis sorti de la campagne, de ma première campagne à 4 pattes. Ça a été un miracle que je retourne travailler. Ben j'étais vraiment épuisé. Puis tu sais, c'est ça, c'est l'adrénaline, c'est l'énergie que tu mets là-dedans. Tu sais, quand t'embarques dans cette mécanique-là, que tu y crois. Tu calcules pas ton temps, ton énergie, puis là, tu pousses la balle trop loin. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Non, c'est ça. Là, c'est le porte-à-porte, évidemment, au niveau provincial, ça se passe différemment, mais ça se passe aussi différemment dans un comté aussi grand comme que le tien, Luc. Oui, oui, parce qu'on ne peut pas penser faire du porte-à-porte dans Ungava. Non, c'est impossible. Je ne me voyais pas aller faire du porte-à-porte à Piouvi, à Coutjouac, à Chesby, puis après ça, on va à Chibougamau. OK, juste le trajet, la campagne t'est finie. Et non, c'est des stratégies différentes, bien sûr. Quand tu fais une campagne électorale dans un immense territoire comme celui-là, un, idéalement, c'est d'être connu un peu avant. Moi, j'avais fait, quand j'ai fait la soirée politique, j'avais déjà fait deux campagnes électorales au municipal à Chibougamau. Okay. J'avais été organisateur de campagne pour tous ceux qui ont été députés avant moi dans Ngava. Jim Lafrenière, Christian Claveau deux fois, Michel Letourneau trois fois. Donc, j'avais organisé des campagnes, je savais comment ça fonctionnait. Mais quand t'arrives, c'est pour toi. Tu vois ta face après le poteau. C'est gênant. Puis, t'as l'agent d'immeuble à côté. Ouais. Tu dis, voyons, ça ressemble à un agent d'immeuble. Alors, mais ça se passe comment? Ça se passe à la radio? Ça se passe à la radio. J'allais faire des entreprises. Quand j'allais, mettons, à Matagami, j'allais à Radisson, j'allais à la Bœuf-Quivillon, on organisait des soirées publiques. On invitait le monde à venir à nos soirées au lieu d'aller faire du porte-à-porte. Et après, j'allais faire le tour des petites entreprises, des commerces, des panneurs, la shop de soudure, comme des grandes entreprises comme Chantier Chibougamau, Barrette Chapelle. Est-ce que tu étais tout seul pour faire ça ou tu étais accompagné? Non, on avait. Moi, quand j'arrivais en 2007, déjà, j'avais l'équipe, parce que c'est la même gang que Michel Letourneau. Moi, je me suis pris dans la tête pour le Parti québécois. Contrairement à Raymond, tout était déjà dans une structure bien organisée. Oui, et en plus, j'étais au cabinet de Michel Letourneau depuis 2001. Donc, j'avais été 6 ans pour Michel. Fait que c'est moi qui m'occupais des campagnes, des comités exécutifs, le financement. Je savais tout comment faire. Okay. Donc, dans le fond, quand j'ai été élu en 2007, j'ai juste changé de bureau. Mon bureau était à côté de Michel. Puis j'ai dit, Michel, à la porte est là. Mais tu vas avoir une belle photo. Inquiète-toi pas, on va mettre une belle photo. On va se rappeler de toi. Mais j'ai changé de bureau. Donc, et quand je suis arrivé à Québec au Parlement, moi, je venais souvent à Québec. Parce que pour Michel, quand il était nommé ministre, une semaine par mois, je venais au cabinet à Michel. Ici, ce qu'on appelle le bunker, l'édifice H, OK? Qui est pas très belle, d'ailleurs. J'ai un gros bloc de béton. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça demain. Mais, donc, quand je suis arrivé en 2007, tout le monde pensait que j'étais député depuis un bout déjà. Ah, OK, parce qu'ils te voyaient même déjà. Même les nouveaux, les nouvelles, les plus jeunes. Ah, mais Luc, à telle place, c'est où? Non, je sais pas. Ouais, mais t'es titre depuis 7 ans. Non. Ouais, je comprends. Donc, mais quand je suis arrivé au Parlement, je connaissais déjà le personnel politique. Pas politique, mais le personnel de l'Assemblée nationale. Mais avant qu'on arrive au Parlement ou à la Chambre des communes, le soir de l'élection. Là, on écoute ça avec notre famille à la télévision, j'imagine, les résultats. Non, on se ramasse dans un bar, par exemple, ou dans une salle d'un hôtel. Mais nous, il faut dire en 2011, parce que là, moi, c'était ma troisième campagne avec mon ami Denis Blanchette aussi, c'était sa troisième campagne. Puis on avait même comme particularité dans la région de Québec d'avoir des candidats expérimentés. Parce que la seule députée qui a été élue à sa première élection, c'était Annick Papillon. Tous les autres avaient fait au moins 2 campagnes. Fait que, premièrement, on avait eu une optique de campagne régionale. Ouais. J'avais même été le porte-parole là, pour lancer la campagne. En l'ensemble, je suis très confiant d'être élu. Puis je pense que plusieurs d'entre Est-ce nous pourraient l'être. Est-ce qu'on le pense vraiment, ça? Oui, mais dire, les journalistes me regardaient l'air désemparé en disant, voyons, M. Côté, dans vos rêves, on me disait, c'est impossible. Vous êtes arrivé 4e en 2008, ça se peut pas. Finalement, ça s'est réalisé, puis on a eu toute la Rive-Nord. Hein. Fait qu'on a fait ça au bar de la source de la Martinière, pas très loin du Colisée, du centre Vidéotron. Ouais. Et il faut avouer que c'était... T'es inattendu quand même. C'était impossible à décrire. Puis en plus, on avait vraiment pacté le bord, là. Il faisait chaud, il y avait du monde. Puis là, juste pour faire par exprès, moi, petite anecdote, les résultats dans Beauport-Limoilou prenaient du temps à sortir. Fait que j'avais même un de mes vieux chums du côté d'Ottawa. Steve, il m'a dit... non, c'est vrai, c'était Raymond Guardia. Raymond Guardia, il dit... écoute, je m'en pouvais plus. J'ai dit, il faut que tu sois élu, Raymond, là, sinon ça va être une catastrophe. Parce que déjà, c'est la vague orange, là, 59 députés sur 75 sièges au Québec, c'était monstrueux. Non, mais c'était... ça, je vais en parler justement de ça. Déjà, les sondages avec M. Layton, on sentait un vote populaire qui s'en venait sa faveur. Ça a été dans la deuxième moitié de la campagne. Parce que la première moitié, ça ronronnait, puis Jack était revenu pour une deuxième campagne avec ses prétentions d'être premier ministre du Canada. Parce que souvenez-vous qu'en 2008, il l'avait prétendu, puis il faisait rire de lui, mais il était très sérieux. Et donc, on doit sentir 2011, la plus populaire qui grandit et tout ça, puis on se dit, il y a une espèce de vague qui se prépare, mais est-ce qu'on se demande si on va faire partie, nous, de la vague? On doit souhaiter... d'être avec le groupe qui est transporté justement J'étais confiant, j'avais hâte de voir le résultat. J'avais hâte d'avoir la confirmation. Oui. Puis une fois que les résultats sortent, là, c'est quoi? C'est l'apothéose? C'est le... Ben, c'était extraordinaire, surtout parce que c'était une gang de chums. Tu sais, on faisait une deuxième campagne pour la plupart. Puis, on avait même des élections inattendues, comme Alexandrine Latendresse qui battait la ministre Josée Vernet. Ouais. Ma petite Alexandrine, tu sais, qui devenait députée du jour au lendemain, elle, dans son idée, était pas élue, puis elle allait faire sa maîtrise à l'université. Ouais. Sa vie a été bouleversée, pauvre elle. Mais non, c'était survolté, c'était très bouleversant, puis je te dirais, peut-être moins pour moi personnellement que de voir toute cette gang-là dans la région de Québec a été élue, puis de me dire, mon Dieu, Alexandrine a réussi, Anne-Marie ouais. aussi, Jonathan. Ruth-Hélène Brosseau. Ruth-Hélène Brosseau, oui, avec toute la controverse, ouais. puis là maintenant est dans les personnes d'influence au sein du NPD actuellement. Là. Elle a eu un parcours extraordinaire, cette femme-là, je l'admire profondément. J'ai eu la chance de la côtoyer, écoute, je suis un gars favorisé. Mais non, c'est extraordinaire, surtout quand tu t'attends pas au résultat. Moi, mon souvenir du 2 mai 2011, c'est quand j'ai vu les résultats aux Îles-de-la-Madeleine pour Phil Toon. Quand j'ai vu qu'il était premier, j'ai dit, parce que moi, je prévoyais déjà qu'on allait avoir une vague orange, mais là, j'ai dit, oh mon Dieu, on s'en va où? Ça y est, pour vrai. Là, hey, là puis je me suis dit, ça va être encore plus gros que ce que je prévois. Donc là. Ça, c'est une très belle soirée. Après la pause publicitaire, je vais vouloir parler avec Luc de ta soirée électorale, comment tu as pris cette élection-là. Mais je voulais aussi vouloir parler avec vous des côtés peut-être plus sombres un peu. Après la défaite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se trouve un emploi que... Qui on devient après une fois qu'on a été défait? Comment les gens nous regardent? La vie après la mort. Quand on pleure, tassé dans notre coin. Exactement. Non, okay. Alors, on va faire une pause publicitaire. On va aussi vous inviter à participer en grand nombre au Radioton de CKRL de 89.1. Je vous rappelle que c'est la plus ancienne radio communautaire francophone en Amérique. Elle est plus vieille que toi, Luc, quand même. Pas Alors, on vous revient de l'autre côté de la pause. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, la boîte à pain est la boulangerie officielle de tous ceux qui adorent déjeuner et écouter la radio. Plus de 40 variétés de pain, sandwichs, pizzas au four à bois et pâtisseries. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Boulangerie La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou. Alors on est de retour à CKRL 89.1, toujours au microphone Jean-François Artaud. Je suis en compagnie de Raymond Côté et de Luc Ferland. Luc, je voulais parler avec toi, comme on l'a fait avec Raymond, de ta première soirée électorale. En fait. Ah, c'était un des plus beaux moments. T'étais où? J'étais à Chibougamau. La différence dans un comté comme Angavant et celui à Raymond ou d'autres des comtés plus urbains ici dans la région de Québec ou Montréal, et tu fais le tour de ton comté à pied, là, si tu veux, OK? Oui. Mais et tu peux regrouper tout ton monde dans un même local, tes militants, tes supporters, tandis que dans Angavant, tu peux pas faire ça. Donc, la soirée, c'était à Chibougamau. On écoutait les résultats à notre local électoral, on avait un écran de TV, et on avait un endroit après... que tu gagnes ou tu perds pour aller rejoindre tes supporters. Est-ce qu'on prépare deux discours, un discours de victoire et un discours de défaite? Je ne t'ai pas long préparé, ça c'est... Merci beaucoup, je suis très heureux. Non, mais tu remercies ton monde, tes bénévoles, merci, mais sauf que dans Angavant en 2007, il y avait des comtés, il faisait partie des comtés du Parti québécois, OK? Mais au niveau démographique, ça a changé avec le temps, mais on le voyait venir depuis 2003, parce que la population Cree et Inuit s'augmentait. Donc, au moment où on se parle, les Inuits et les Cree ensemble représentent 66% de la population. Donc, même s'ils votent peu, ça compte. Là. Oui, donc, le soir de l'élection, oui, c'était au local électoral. Après, c'est la victoire. Moi, je me rappellerai tout le temps parce que ma famille, mes frères, mes sœurs, beaucoup étaient partis du Saguenay, étaient montés cette journée-là pour être avec moi. Okay. Parce que dans le Nord, bien souvent, il y en a qui, oui, sont venus au Mont-de-là, mais beaucoup de gens viennent de l'extérieur, font leur carrière, ainsi de suite, ce qui est mon cas. J'ai été 35 ans dans le Nord du Québec. Donc, mes frères, mes sœurs étaient là. Ils étaient plus nerveux que moi et nerveuses. Et Michel Letourneau était là avec moi, avec Hélène, le comité organisateur. J'avais mon monde. Donc, toi, tu vois les résultats rentrer. On était confiants. De l'emporter, mais me disait, tant que c'est pas fini, puis nous autres, ça commence tout le temps. Les boîtes de scrutin, c'est toujours le Nunavik qui commence à sortir. Oui. Donc, les libéraux étaient tout le temps en avant. Bien sûr. OK? Puis, à un moment donné, ça devient mathématique. Quand tu as 10% des boîtes de sortie, oui. Ben, ça te donne une bonne idée, tu gagnes ou tu perds. OK? Tu fais le calcul. On va passer du bonheur au malheur, parce que le temps nous pousse, évidemment, mais la soirée, une autre soirée électorale, mais cette fois-ci, vous êtes défait. Oui. Mm-hmm. Là, notre première réaction, c'est quoi? C'est « j'ai pas été assez bon, les gens m'aiment plus, maudite ben, campagne nationale ». C'est quoi notre réaction? Oui, c'est sûr qu'il y a des sentiments mélangés. Bon, moi, c'était ma quatrième campagne électorale. En plus, elle était interminable. Hein. C'était ouais. C'est une campagne épouvantable que M. Harper nous avait préparée. Et puis sur le terrain, en plus, bon, moi, j'avais développé mon pif. Tu développes aussi un instinct. Quand tu rencontres les gens, là, tu sens la tendance. Et je savais que je perdais pied. Je croyais encore en mes chances d'être réélu. Je savais que j'étais un dessus avec Annick Papillon qui avait le plus de chances d'être réélu. Mais écoute, dans le dernier mois, là, une fois que l'affaire du NICAB a éclaté, j'avais des gens qui étaient gênés de me rencontrer. Pas parce qu'ils m'aimaient pas, mais parce qu'ils voulaient pas m'avouer qu'ils n'avaient pas voté pour moi. Mais Raymond, est-ce qu'il y a moyen au niveau local de renverser cette vapeur-là, malgré les erreurs, si on veut, ou les En partie, mais c'est une petite partie. Parce que le candidat local, à moins de devenir vraiment une vedette, un peu comme le cas justement de Ruth Hélène Brosseau. Ouais. On pourrait parler d'Alexandre Boulris ou de Guy Caron aussi, qui est un gars extraordinaire. Lui, c'était sa cinquième campagne électorale en 2015. Il y a des gens comme ça par leur parcours, ouais. Par des concours de circonstances ou parce qu'ils ont fait face à une controverse qui les a rendus vedettes instantanées. Transforme le parti, c'est ça. Quand tu es un député, moi, j'avais quand même le cas de la contamination des poussières venant du port de ouais. Québec qui avait fait de moi une mini-vedette. Là. Mais j'ai été un bon soldat. Ça a peut-être été mon erreur, justement, en 2015, de suivre les ordres. Écoute, il y a même une journaliste qui me demandait, « Monsieur Côté, on ne voit pas dans les médias, là, qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit, « je fais du porte-à-porte. » Elle m'a dit, « Mais ce n'est pas incompatible. » J'ai dit, « Vous avez un bon point, là. » C'était off the record. Mais le soir même, on était au bar de Ninkasi, sur la rue Saint-Jean. Il faut avouer que c'était dur, puis en plus, ben j'ai assumé aussi un certain leadership régional en faisant face aux journalistes, puis j'avais le mouton. Mais est-ce que c'est un peu la panique? Est-ce qu'on se dit je travaillerai plus jamais? Téléphone sonnera plus? Peut-être pour certains de mes collègues, mais pas dans mon cas, parce que j'étais comme préparé à ça. Sauf que j'avais de la peine pour mes collègues, j'avais surtout de la peine pour les bénévoles. Parce que c'est probablement ça le plus dur. Toi, avec ton directeur de campagne, tu vois les choses venir, mais tes bénévoles, eux autres, ils y croient jusqu'à la fin. Ah, ben oui. Puis là, écoute, là, tu gères leur peine aussi. Il y a des gens qui sont en sanglots et tout ouais, ça, ouais. J'imagine. Puis là, nos chers amis journalistes, ils veulent connaître tes sentiments, ils veulent savoir l'explication, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Tu files pas bien pour leur donner des explications. Puis il faut avouer que c'est une soirée qui est très longue puis qui est difficile à vivre. Alors, oui. Parfait. Toi, Luc, t'avais vécu ça durement un peu, je me rappelle, parce que je t'avais parlé ce soir-là. Oui, oui, oui. Non, j'ai trouvé ça difficile. Dans mon cas, même si on savait que la campagne de 2014 du côté de notre parti avec Mme Marois, c'était, mais on a ramé dans le gravel tout le long, c'est-à-dire que ça a mal parti. La charte des valeurs. La charte des valeurs qui, ça marchait plus. Après ça, l'arrivée de PKP, déclencher les élections. Les gens voulaient pas d'élections et c'est nous qui avions voté la loi avec à date fixe, des élections à date fixe. Oui. OK, les gens comprenaient pas. OK, t'avais beau quand il faut que t'expliques. Comme une joke. Il y a un problème. Tu l'as moffé. Oui. OK? Mais ça a été difficile. Le soir, je me rappelle, j'avais pas eu une réaction. Je suis pas un gars, disons, émotif, dans le sens où je vais me mettre à broyer. J'étais pas là. Mais j'avais me rappelé, tu sais, mon garçon Gabriel, mon plus vieux, était venu avec sa blonde, passé la soirée. Il m'a dit, papa, je suis content d'être venu parce que si j'avais été loin, j'aurais eu de la peine, bon, ainsi de suite. Mais mes employés, moi, je me rappelle tout le temps, mon responsable de bureau de comté, il a broyé toute la nuit. Mais ces gens-là perdent leur emploi aussi. Tout le monde. Savez-vous que quand une élection, prenez juste l'entourage de Mme Marois, les cabinets de personnel de cabinet de ministre, il y a automatiquement, le même soir, il y a 450 personnes qui perdent le job. Ben oui. L'hécatombe. C'est terrible, ça. C'est une grosse PME, ça, là. Oui. OK? Et le personnel de bureau de comté, ainsi de suite. Donc, moi, ça a été, après, le lendemain, je me lève, après ça, je me suis mis en mode, je suis dit, bon, OK, là, c'est beau. Perdu, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est ça. Est-ce que c'est long, justement, à avoir un emploi? Est-ce que, comme à une certaine époque, c'est un tremplin d'avoir été politicien? Est-ce que c'est bien vu? Parce que on sait que le jugement collectif sur les politiciens, il est dur. Le jugement individuel, non. Les gens ont encore de l'estime pour les politiciens. Ah, vraiment? Au plan individuel. Non, mais c'est agréable, la vie politique. Quand tu rencontres les gens en personne, ils ont beaucoup de respect, puis même de l'estime. Oui. Puis moi, un des commentaires que j'ai entendu souvent, c'est « Waouh, Monsieur Côté, vous êtes donc bien courageux. Moi, je ne ferais jamais ce que vous faites. » C'est ça. Bon. Sauf que là, dans la vie, il faut travailler. Il faut gagner sa pitance, si on veut. Oui. Est-ce que le téléphone sonne? Est-ce qu'on est un peu désemparé? Est-ce qu'on... Le téléphone a sonné un petit peu, mais moi, ma priorité, ça a été de contacter la directrice de Service Québec où je travaillais, où j'avais été libéré sans solde, parce que je suis protégé aussi par la loi de la fonction publique. Hein, je suis préposé au renseignement au gouvernement du Québec. Et étant donné que j'avais été limité à un seul mandat, j'ai pensé un peu, est-ce que je retourne à Service Québec ou j'essaie de me chercher une job ailleurs? Mais j'avais déjà entendu parler de la difficulté de se trouver une job pour un député. Fait que je me suis dit, non, prends la sécurité, mon gars, regarde, t'es rendu à 49 ans. Je l'ai contactée, elle était surprise. Juste pour l'anecdote, elle dit, mais là, M. Côté, je ne sais pas, parce que c'était pas la même directrice que quand j'avais quitté en plus, 4 ans et demi avant. Fait qu'elle me dit, je m'informe auprès des ressources humaines. Alors, viens auprès de, après avoir parlé aux ressources humaines, ils m'ont dit, c'est pas compliqué, vous avez rien à signer, on a juste à passer une entente, à savoir quand est-ce que vous venez. Okay. Je dis, ben, ça vous fait-tu votre affaire? Parce que là, moi, c'était le 19 octobre. Elle dit, ça fait-tu votre affaire? Je prendrai un peu de temps pour moi. Je reviendrai le 30 novembre. Elle dit, correct, envoyez-moi un courriel, ça va être réglé. Parfait. Fait que je reviens. Mais là, encore là, là, mes collègues me voient revenir. Eux autres, ils pensaient que j'étais parti pour la gloire, là. Ah, ben oui. J'ai été député. Ben voyons, qu'est-ce que tu fais ici, ben toi? Oui. Ben, je pense que j'ai besoin de vivre, là. Mais non, mais je pensais que tu allais trouver une grosse job après ça. Non. Là, il a fallu que je leur explique. Tu sais, un ancien premier ministre ou un ancien ministre des Finances, il est peut-être parti pour la gloire. Oui. Mais un député derrière-ban ou un député de l'opposition, moi, j'ai des collègues qui se sont fait carrément dire, lors d'entrevues, hey, mais toi, t'as été au sommet, là, t'es bien plus qualifié que moi. Penses-tu que m'a engagé? Je veux pas perdre ma job. Non, puis il y en a pour qui c'est moins facile. Il y a des gens qui ont vécu des dépressions nerveuses. Il y a des... Il faut gérer. Des divorces, bon. C'est ça, il faut gérer. Parce que, justement, tu sais, comme Luc l'a expliqué, puis ce que j'ai vécu aussi, quand tu perds, c'est ton estime personnelle qui prend un coup. Puis ce que tu dois apprendre en politique, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Parce que c'est le jouet des événements. Ouais, hein? Les politiciens d'expérience le savent. Tu n'as pas vraiment le contrôle de ta vie. Tu sais, il arrive quelque chose, durant ton mandat politique, puis tu passes du camp des bons au camp des méchants, t'es marqué, puis tu perds complètement le contrôle. Absolument. Le courant de la rivière s'est inversé, puis là, tu nages comme un malade, puis non, tu vas te noyer dans la mer. Alors, c'est ça, tu sais. Alors, quand tu fais la part des choses, tu te dis, OK, j'ai fait mon possible, mais c'est pas parce que les gens m'haïssaient, c'est parce que, qu'est-ce que tu veux, on a été poche dans notre campagne, on a été drabe. Moi, j'adore Thomas Mulcair, mais Thomas cherchait à jouer un personnage. Au lieu de jouer les Angry Tom, défenseur de la veuve et de l'orphelin, il cherchait à sourire. Moi, j'ai des gens qui me disaient, mais là, on le reconnaît pas, Thomas. Là. Puis là, tu sais, ouais, vous avez pas tort. Ouais. Là, mais fait que, quand tu fais la part des choses, c'est plus facile à gérer. Puis moi, je suis, merci mon Dieu d'avoir fait 4 campagnes électorales. Ça a été plus facile à gérer la défaite de 2015. Et toi, Luc, le soir de la défaite, puis ça, le lendemain, en fait, tu t'es dit, le lendemain. Faut que je travaille. Je sais que vous avez une allocation de transition et tout ça. Ouais, moi, dans mon cas, j'avais été quand même 14 ans en politique, dont 8 ans député, 6 ans pour Michel Letourneau. Après 14 ans, là, et tu ne retournes pas directeur général du CRD en 2000. Là, non, okay, ta vie précédente, ça fait longtemps. Donc, là. Mais ça, j'ai pas pensé à ça. Moi, ma première réflexe était... Moi, j'ai un instinct de survie. Un instinct, j'appelle ça de même, c'est que... Je dis, OK, Luc, tu te vires de bord. Là, je m'en vais à mon bureau, je réunis mon personnel, OK, leur donne des conditions. Puis la première affaire, j'ai même pas pensé à moi, j'ai dit, OK, Nicole, Alain, j'avais Jean-Sébastien, 3 employés, puis il y en avait une ici à Québec. Mais on partageait avec d'autres collègues députés. Ma première préoccupation, c'était, on clean le bureau, on ramasse nos papiers, nos archives, ces choses-là. Ouais. Et je vais dîner avec mes employés. Et ça a été de leur donner un coup de main pour qu'ils se trouvent un job, eux, le plus vite possible. Moi, j'avais mon allocation de transition pendant un an. Donc, mon salaire de député continuait pendant un an. Mais faut pas que tu prennes un an pour te replacer. Et après ça, je m'installe où? Mais le premier réflexe, c'est ça, mais tu dis là, écoute, moi j'étais député, j'ai voté des lois pendant 8 ans, disons, je sais faire quoi dans la vie? C'est pas évident comme mais question. Il y a beaucoup de tabous quand t'es en politique par rapport aux gens. Moi, je me rappelle, là, Luc, y a pas de problème, t'as une grosse pension à vie. Ou t'as tout un réseau, t'as un là, gros réseau. Oui, t'as une grosse pension en vie. Mais comment t'aurais fait bien qu'un an député ou un mandat, OK? Il y a une différence au fédéral qu'au provincial, mais quand même. Je dis, mais non, pas de pension en vie. Moi, j'ai été pendant tant d'années, ça va me donner tant. Oui. Ah, ouais? Les gens pensent, et ça, c'est le rôle du président de l'Assemblée nationale. Et moi, je disais tout le temps au président de l'époque, Michel Bissonnette, ou que ce soit Jacques Chagnon qui est là, ben, j'ai tout siégé avec ce monde-là. Ouais. Pourquoi vous expliquez pas aux gens c'est quoi le rôle d'un député, les conditions de travail, ces choses-là? Puis quand vient le temps d'avoir d'augmenter ton salaire, tu ne touches pas. À Québec, là, ça doit faire 20 ans qu'ils n'ont pas touché. Ouais. Ça monte 1,5, 2 % selon le coût de la vie. Mais ceci étant, c'est qu'après, moi, j'étais dans le Nord. Moi, j'ai pas de parenté, j'ai pas de OK, puis j'étais séparé à ce moment-là, avant de rentrer en politique. C'est pas politique qui m'a... Et mon ex demeurait ici à Québec, et mes deux plus jeunes, OK? Et mon plus vieux, Gabriel, aussi, qui était venu me rejoindre. Okay, tu as dit naturellement, je vais déménager à Québec. Et après ça, ben, tu regardes ça, tu dis correct, les gens, ils vont me taper dans le dos le lendemain matin, je vais au restaurant. Ah, Luc, tout le monde a voté pour toi le lendemain. Hein? Ouais, oui. Ils ont tous voté pour toi, OK? Puis c'est drôle, j'ai perdu. Il y en a toujours un des deux qui ment. Il y en a un des deux qui ment. Ou bien tu te fais arrêter à l'épicerie, puis tu sais, là, les gens, là, sont pénés, ils plaignent, puis c'est injuste. Puis il y a même une dame, elle m'aborde à l'épicerie, puis j'étais avec ma blonde, elle dit carrément, j'ai tellement honte de Beauport-Limoilou, elle est en colère noire, là, puis là, tu sais, ma blonde. Il y en a même qui sont, tu vas à l'épicerie, tu vas le lendemain, tout le monde. Et là où je rejoins Raymond, ce qu'il disait tantôt, les gens sur une base individuelle ont beaucoup de respect pour oui, la politique. Moi, je pense que oui. Okay? C'est comme des motards. On sait tous qu'ils sont en groupe, ils sont pas pareils. Okay? On dirait qu'ils réfléchissent plus de la même façon. Okay? Mais il reste que sur plein individuel, il y a du respect pour la politique et on le sent très bien. Mais après ça, moi, j'ai été chanceux quand même parce que j'ai pas cherché. 3 semaines après la campagne, j'ai reçu un téléphone de quelqu'un qui avait été en politique avec moi. Il avait ouvert sa firme de relations publiques. OK? Et il dit, Luc, il dit, j'aimerais ça que tu viennes me voir. J'aimerais ça que tu viennes dans mon équipe. Tu connais le Nord, tu as ton réseau et ces choses-là. Mais le parti, là, sous la couleur duquel vous avez été élu, est-ce qu'il vous aide à vous replacer? Le parti gère le désastre. Écoute, le NPD, nous, en plus, on avait géré il y a eu deux gestions de crise. Il y a eu la gestion de la croissance en 2011, parce que là, on partait de 36 députés, puis là, on devenait l'opposition officielle de sa majesté en plus. Fait que là, c'était en plus du personnel politique, tu sais, au bureau du chef, puis tout ça. Budget de recherche. Et c'est tout ça. Et puis là, en plus, une flopée de nouveaux qui arrivaient, puis là, bon, vous devenez boss. Moi, c'est la première fois de ma vie là, que je gérais du personnel. J'avais jamais eu d'employé. Là. Moi, j'étais toujours un employé. Ben ici aux ordres. Et puis là, après ça, 2015, mais là, tu gérais la débandade. Là. Donc, le parti. Là, c'était des centaines de personnes qui perdaient leur job. C'était pas juste les députés, justement. Comme Luc a dit, moi aussi, tu sais, c'était des chums qui perdaient leur job. C'était mes employés, mon équipe. Moi, j'avais une très jeune équipe, une équipe des jeunes dans vingtaine, trentaine. Mais il n'arrive pas que la permanence du parti ouvre des portes, non? Au contraire. Au contraire, ça se bat pour essayer de trouver un poste. Ouais. Pis... Ça dépend des partis. Il y a des partis qui vont. Ils ont une culture de s'occuper de replacer leur monde. Pas tout le monde, mais une bonne partie. Est-ce qu'il y a ça au Parti québécois? Si je prends ces libéraux, Parti québécois, non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas au Parti québécois. C'est au plus fond de la poche. Le NPD non plus, ben, je comprends. Écoute, en plus, le NPD, juste fait par exprès, on avait un seul député en 2011, Thomas Mulcair. Fait qu'on avait tout à bâtir, puis là, il fallait presque tout débâtir avec 16 survivants. Ça, c'était le miracle de 2015. Ouais. Alors, oublie ça. Là, mais c'est difficile après de se replacer. Et quand j'ai dit tout à l'heure, quand Boitin au pouvoir en 2014, de 2012 à 2014, 450 employés, personnel politique, perdent le job. Ouais. Oublie pas, on retourne dans l'opposition officielle. Ça veut dire que des 450, tout le monde va vouloir se trouver une niche au bureau du chef de parti ou auprès de quelques députés. Ils font de la recherche. De la recherche, non. Mais ils n'ont plus les budgets. Ils ne peuvent pas garder la même masse salariale. Un. Deux, ben, quand tu as été député, il y a juste deux ou trois postes ce qu'on appelle la garde rapprochée, là, de, le chef de cabinet du premier ministre ou de la première ministre, le secrétaire général, eux, sont c'est protégés. Une entente entre ouais. parties non écrite ouais. que eux autres ouais. sont protégés, ils ont une job après. Mais le c'est... reste, là, t'as rien. Non, tout à fait. Puis regarde, tu peux pas t'imaginer en tant qu'ancien député aller travailler pour un collègue qui a survécu. Non, parce c'est parce ça, que ce que t'attends de ton personnel politique, non, c'est de la loyauté. Oui. Puis toi, en tant que député, surtout quand t'as fait un mandat, moi en plus, j'ai eu de la chance, j'ai siégé à des comités majeurs comme le comité permanent des finances. Je suis bien désolé, mais ça me tente, ça m'aurait pas tenté d'obéir aux ordres. Ça aurait été de dire à mon chum qui m'engage, qui me fait cette faveur-là, « Hey, t'as-tu pensé à ça? » Regarde, ça aurait été la chose. On a fait référence tantôt, mais j'aimerais ça qu'on y revienne parce qu'il y a des côtés vraiment pas drôles à une défaite. Ouais. On en connaît tous, il y a des gens qui ont fait des dépressions nerveuses. Oui, il y en a. Oui, il y a des anciens ministres que je connais qui ont été hospitalisés pendant plusieurs mois. Il y a des divorces. Il y a tout un côté social de la politique qui est très, très dur et que les gens connaissent peut-être un petit peu moins. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est ton entourage, ta famille. C'est difficile pour ta conjointe ou ton conjoint, tes enfants. Exact. Ils nous disent pas toutes les... Ben, souvent, je vais vous donner des exemples de gens que je connais à l'école. Des petits amis, des petits ennemis. Et c'est pas... Ben, souvent, les étudiants, les collègues, des professeurs, avec les enfants, quand tu es au secondaire 4, secondaire 5, OK? J'ai un cas que je connais, que le député a trouvé de retirer ses deux filles de la polyvalente et les amener d'une autre école. Ouais, c'est pas drôle, quand même. Parce que le directeur de la polyvalente où il allait s'était présenté à l'investiture contre le député en question. Okay. Et sa conjointe, dans son milieu de travail, okay, quand tu arrives le lendemain, mettons, tu t'es fait où? Tu es au pouvoir, puis ton parti a pris une décision qui touche la boîte où elle travaille. Et là, on va se récœurer pas à peu près. Ben oui. Et elle revient à la maison. Souvent, elle veut pas en parler à son conjoint parce que, ou sa conjointe, si c'est le cas, parce qu'elle veut pas y faire de, ah non, il y a assez de ses problèmes au Parlement, puis je veux pas y raconter, elle garde ça pour elle. Oui. OK? Donc, c'est très difficile aussi pour l'entourage. C'est vrai. Il paye un prix énorme. Puis après ça, aussi, après la campagne, ben, t'as le goût aussi d'avoir la paix un peu, tu sais, de ramasser les morceaux aussi personnellement. Ben oui. Tu gères l'après. Mais moi, après le temps des fêtes, parce que c'est ça, nous, la campagne, c'est le 19 octobre. Après le temps des fêtes, là, je me suis dit, bon, j'étais curé de me morfondre, j'étais retourné à la job, tout ça. Fait que j'ai recommencé à vivre. Mais il y a aussi ce beau côté-là, c'est que là, les gens t'abordent, puis ils s'informent de ton sort. Puis là, ils s'inquiètent à savoir, hey, M. Côté, est-ce que vous allez revenir? OK, ça, c'est intéressant. Ben, ça fait du bien, c'est un bombe, tout à fait. Ça souvent, aide beaucoup. Dans l'année qui suit, moi, j'ai trouvé ça au moins les 6 à 8 premiers mois après. Veux pas, quand t'as été, dans mon cas, j'ai été 14 ans là, en politique active, dont 8 députés. Du jour au lendemain, là, tu retombes dans la vie normale, t'as plus de monde autour de toi. Juste aller au restaurant. Tu réservais une place, il y a du monde qui s'occupait de toi. Absolument. Qui s'occupe de toi. C'est pour ça que c'est un peu difficile après d'aller travailler pour un autre député. D'écrire des dettes, il y a des gens qui faisaient ça pour toi. C'est un peu qui fait ça. Il y a du monde, il y a une armée qui travaille pour toi. Là, tu retournes dans la vraie vie. C'est sûr que c'est un choc. Même pour toi, Raymond, ça a dû être un choc de dire, regarde, il y a quelques semaines auparavant, je votais sur des projets de loi fédéraux. Puis là, je réponds au Service Québec, bonjour. Mais ça, c'était pas si pire. Mais le BABA, justement, de reprendre une vie normale. Écoute, j'ai raté des rendez-vous parce que j'avais du monde qui s'occupait des livres. Là, réapprendre à gérer mon agenda. J'haïssais ça. Dans le bureau où j'étais, dans la relation publique, dans la boîte où j'étais, puis souvent, on avait un déplacement à faire ou un groupe, OK. Puis là, j'arrivais, je sortais de mon bureau. OK, qui s'occupe de... qui réserve des billets d'avion ici? Luc, c'est toi. Ah ouais, OK, bon, parfait. Ça, c'est toutes des... L'autre chose que j'ai trouvé difficile, Raymond, je sais pas, mais ce que j'ai trouvé difficile, c'est qu'après, t'as été longtemps politique, t'écoutes encore les nouvelles, puis des fois, ça te pogne encore. Là, tu dis, j'aimerais ça être là encore. Je peux y retourner. OK? Mais après ça, tu vas prendre ta douche, ça passe. Mais là, t'as plus de tribune. Ouais, mais moi, j'ai fait pire que ça, Luc. T'as plus de tribune. Parce que là, moi, bon, j'ai vécu ma séparation après mon mandat. Parce oui, les fêtes avant, j'avais réglé plein d'affaires. Non, c'est ça. Mais il faut dire que ma blonde, à l'époque, elle me l'avait dit, parce qu'elle aussi, elle cachait des choses, puis il faut dire que notre couple battait de l'aile. Mais après que j'ai été battu, elle m'a dit carrément, tu sais, Raymond, t'es 4 ans comme député, ça a été l'enfer pour moi. Là, j'ai dit, OK. Puis là, je me suis dit, ouais, mais j'espère que je veux continuer à faire de la politique. Là, tu continue-tu ensemble, chérie? Ouais. C'était à peu près ça. Mais c'est quoi l'enfer? C'est l'éloignement? C'est le regard des gens sur... Écoute, tu sais, le conjoint, ce qui est très difficile, c'est que premièrement, elle perd la maîtrise, puis à moins qu'elle soit passionnée de politique, qu'elle soit capable de s'insérer là-dedans, ouais, c'est à peu près invivable. Parce que Diane m'avait déjà suivi dans des événements, puis elle m'a dit, regarde, oublie-moi, là, tu vas y aller seul, c'est ta job, parce que je ferai pas le poireau pendant que tout le monde court après monsieur le député. Au début, ils suivent là-dedans. Parce non, que, mais c'est même ça. Moi, j'étais déjà séparé, ça faisait 2 ans. Mais mon ex, on avait 2 enfants, OK? Même elle, je n'étais plus ensemble, elle trouvait ça difficile. Oui. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était issu d'une famille très politisée. Oui. Ses enfants, elle ne voulait plus rien savoir de la politique. Non, non, monsieur, nous reste... Il avait même changé de parti. Il nous reste à peu près une minute, une demi-minute. Je veux rapidement que vous me répondiez par oui ou non. Si un jeune se présentait à vous et vous disait, est-ce que je dois me lancer en politique? Oui. Oui. C'est donc bon, quelqu'un qui est motivé vraiment, parce que c'est... Premièrement... Il faut y croire, il faut croire en quelque chose. De toute manière, tu te lances. La plupart des politiciens que j'ai connus, ils se lancent en politique parce qu'ils croient en quelque chose. Ils sont là pour des bonnes raisons. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup, messieurs. Ouais. Je me suis Luc Ferland. Oui, et à mon côté, c'était un grand plaisir. Oui. J'espère qu'on va renouveler l'expérience. Merci à vous.